you do when you meet a deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur RIG, il est très exactement 20h. Ne cherchez plus. C'était sympa cette petite nouveauté, là, un petit bout de Back to the Egg juste avant. Il me restait une poignée de secondes, je me suis dit, soit je parle, soit j'en profite pour mettre un petit McCartney. Eh bien, j'en ai profité pour mettre un petit McCartney. Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Je me nomme Thierry Gallet, je vais vous présenter la saga des Fab Four numéro 367 sur RIG. Jusqu'à 22h, l'album de la semaine, c'est l'album Flaming Pie de Paul McCartney en 1997. On écoutera The Song We Were Singing, The World Tonight, Some Days, Flaming Pie, Heaven on a Sunday et Souvenir. Voici les extraits de cet album-là. Mais il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, Mother, extrait de l'album Plastic Ono Band en 1970. Pour Harrison, la même année sur All Things Must Pass, Art of Dying. Et la même année également sur Sentimental Journée. Pour Ringo Starr, ce sera Bye Bye Blackbird. Je suis en plein dans le livre de Philip Norman. Et c'est le moment là où tout le monde se sépare, tout le monde fait son album solo. Ça a été vraiment enfanté dans la difficulté. Hein. L'année 70, il y a eu plein d'albums à acheter. Pour ceux qui avaient l'âge à l'époque, moi j'avais que 6 ans. Mais c'est vraiment un livre à lire, c'est vraiment passionnant. Et puis pour les Beatles, il y aura Norwegian Wood sur l'album Rubber Soul de 1965. Voilà. Pour le reste, retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'espère que vous allez venir nombreux et nombreuses. Et puis, il y a également Maca Club que je vous conseille d'aller voir si vous voulez tout savoir sur Paul McCartney. Et pour le reste, si vous voulez commenter également sur Twitter, il y a le hashtag SagaFabFour. Voilà. Nous allons commencer l'émission dans une poignée de secondes avec The Song We Were Singing. Et ça va très très bien se passer. Parce que c'est aujourd'hui mercredi, nous sommes le 14 mars, et lorsque c'est mercredi, c'est la radio des Beatles sur RIG. Voilà, le générique se termine, donc place à Paul McCartney. En 1997, il nous sort un album avec une pochette pas très jolie. C'est vrai que ça donne pas envie de l'acheter l'album, et pourtant, c'est un très bon album que je vous conseille. Voici le début, The Song We Were Singing sur RIG. Bonne soirée à toutes et à tous. Smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution to the sound of guitar, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. For a while we could sit, smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. Yeah, we can draw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. And speculate about the cosmic solution to the sound of guitars, caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. Qu'en général, Paul McCartney, quand il a des soucis, il revient aux chansons qu'il chantait, qu'il avait l'habitude de chanter, et il aime ça, en tout cas, voilà. Nous revenons en 1970 avec l'album Plastic Ono Band, un film d'horreur vu à la télé fournit à John l'idée du glas dans le timbre menaçant que Spector rend plus lugubre encore en ralentissant la bande, ouvre l'album de John Lennon Plastic Ono Band et son premier morceau Mother. John, qui voulait obtenir une interprétation viscérale, interrompit la séance pour passer un rock furieux de Jerry Lee Lewis, All a Lot of Shaking Going On. John faisait remonter une grande partie de ses angoisses au fait qu'il avait été rejeté par ses parents. Il avait donc décidé qu'il était temps de se débarrasser de cet héritage encombrant en leur faisant à son tour ses adieux. Pourtant, durant la finale torturée de cette chanson, il supplie sa mère de ne pas partir et son père de revenir. Les événements qui ont placé John dans un tel état de privation émotionnelle sont bien connus. Sa mère Julia ne se sentait pas capable de l'élever. À peine l'enfant né, elle quitta son père, qui était de toute façon généralement absent du domicile conjugal puisqu'il servait dans la marine marchande. L'enfant fut souvent confié à divers membres de la famille pour des périodes prolongées. À l'âge de 4 ans, il fut finalement placé chez la sœur aînée de Julia, la tante Mimi, et son mari George Smith. Il ne vit que rarement sa mère jusqu'à l'adolescence. Lorsque la nature rebelle de Julia et sa gaieté le rapprochèrent de son fils, à l'époque, il devait se sentir plus proche d'elle que de la stricte et respectable tante Mimi. Il se mit à passer de plus en plus de temps avec Julia, qui encouragea son goût pour la musique en lui offrant sa première guitare. Mais à 16 ans, John finit sa réconciliation progressive avec sa mère cruellement interrompue. En revenant d'une visite au domicile de sa sœur Mimi, Julia fut renversée et tuée par la voiture d'un policier qui n'était pas en service. John put dire plus tard « Je l'ai perdu deux fois ». Voici cette belle chanson en 1970. Après une tisane et au lit, hein, parce qu'en forçant sa voix comme ça, ça ne devait pas être très facile. John Lennon, en 1970. George Harrison, lui, enfin libéré des Beatles, il se sent bien, pas au tel point qu'il sort un triple album, et c'est lui qui va le mieux marcher en 1970. Et il est très croyant, George Harrison, à tel point qu'il écrit « The Art of Dying ». Voici la chanson, extrait de l'album « All Things Must Pass » sur RIG.

sommes en 1965 sur l'album Rubber Soul. John était notoirement le Beatle marié, mais son mariage n'était pas heureux et lui n'était pas fidèle. Il profitait du flot ininterrompu des admiratrices qui envahissaient les coulisses et avoua finalement à Cynthia en 1968 qu'il avait eu des maîtresses. Norwegian Wood parle de l'une de ses liaisons en un langage codé que John réprouva plus tard. Cette chanson décrit une scène de séduction dans laquelle la femme semble encore une fois mener le bal. John commence par dire « J'ai eu une fille !» mais se reprend aussitôt et ajoute « Plutôt, c'est elle qui m'a eu. » Elle le ramène dans son appartement et lui fait admirer ses meubles en pin de Norvège, Norwegian Wood, un bois à la mode à l'époque. Après avoir discuté et bu jusqu'à 2h du matin, elle annonce qu'il est temps d'aller se coucher. Dans la chanson, il s'y excuse et va dormir dans la baignoire, mais la réalité a dû être quelque peu différente, puisqu'il expliqua qu'il s'agissait de l'histoire d'une infidélité écrite de façon à ce que sa femme ne se doute de rien. En tout cas, cette chanson est intéressante aussi parce que Norwegian Wood se distingue des autres morceaux de Rubber Soul par l'usage d'un sitar, instrument qui apparaissait pour la première fois sur un album pop. George Harrison, selon la légende, était arrivé le jour de l'enregistrement avec cet instrument et quand John lui avait dit « Tu sais en jouer ?», il dit « Bah écoute, je suis en train d'apprendre et si tu veux, je peux te jouer Norwegian Wood ». Et c'est comme ça qu'il a été ajouté à cette chanson-là, d'après la légende. Et c'est très bien ainsi. Bravo les Beatles. Voici l'album de la semaine. L'album c'est Flaming Pie, sorti en 1997, et un nouveau titre, The World Tonight, Monsieur Paul McCartney. I saw you sitting at the center of a circle. Everybody wanted something from you. I saw you sitting there. I saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. I don't care what you wanna be. Conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening. propos de cette chanson, Paul dit qu'il a d'abord trouvé le riff que vous entendez et il était très content de sa phrase « I go back so far, I'm in front of me ». Ce qui ne veut pas dire vraiment grand-chose. À la limite, ça veut dire « je suis allé tellement en arrière que », ça c'est moi qui le rajoute, « je suis en face de moi ». Bon, c'est du Beatles, à la limite, parce que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est une belle chanson et c'était en 1997. Revenons à la guéguerre dans les années 70 entre Paul McCartney et les trois autres. Paul McCartney sort un album qui est un peu éreinté par la critique, même s'ils reconnaissent que Maybe I'm Amazed, par exemple, est très très bien. John Lennon, lui, est assez content et puis met sa rage dans l'album de 1971, puisque comme Paul a réussi à faire un succès avec Another Day, il va chanter une chanson qui s'appelle How Do You Sleep, dans laquelle il dit tu fais de la musique de supermarché, tu as fait Another Day mais c'est nul, et puis la seule chose que t'as faite c'est Yesterday. Et surtout, Paul McCartney a sorti l'album Ram en tenant un bélier par les cornes. John lui répond en tenant un cochon par les oreilles dans une photo glissée dans l'album Imagine. Et dans l'album Imagine, il fait quand même preuve de génie avec cette chanson Imagine sur R.I.G. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet.

Vice of my mistress, standard of retirement. Is he dead? Sit you down, father. Rescue. Oui, deux extraits du même album. Habituellement, je le fais pas, mais cette émission existe depuis 34 ans, donc quelque part, je fais comme je veux. Et surtout, quand c'est un morceau comme ça, eh bien, ça vaut vraiment le coup de le passer. I am the Walrus. Je n'imagine pas la difficulté qu'a dû avoir George Martin pour arriver à dire, bon, il veut obtenir ça. Comment est-ce qu'on va offrir ça avec les moyens techniques qu'on a? Et ça a très, très, très, très bien marché. C'est vraiment une chanson extraordinaire. Et Paul McCartney défend le téléfilm Magical Mystery Tour en disant, après tout, c'est un peu l'ancêtre du clip. C'est dans ce morceau-là, dans ce film-là uniquement, que vous voyez I Am The Walrus, la chanson, et sous forme de clip. C'est vrai. En 1973, sur l'album Mind Games, John Lennon chantait Mind Games. Au départ, c'était I Want You To Make Love, Not War. la fin. I want you to make love, not war. I know you've heard it before. Le titre aurait pu s'appeler Make Love, Not War. Allez voir sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, Jean-Paul Lamarque fait un effort titanesque en mettant sur chaque chanson, ou presque, les origines. Moi, j'ai pas toujours le temps d'en parler. D'abord parce que je préfère vous passer de la musique. Et lui, il marque tout. Donc c'est vraiment très très sympa. Merci à lui. Et la suite, eh bien, c'est maintenant sur RG 90.7, qui est vraiment la radio des Beatles, le mercredi soir, entre 20h et 22h. Voici extrait de l'album Flaming Pie de Paul McCartney en 1997. Voici Some Days sur RG. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days I look into your soul. To think how young we were. We don't need anybody else to tell us what is real. Inside each one of us is love. Flaming Pie. est le 10e album studio de Paul McCartney sorti en 1997. Il s'agit de son premier album studio depuis 1993, son temps ayant entre-temps été principalement consacré au projet Anthologie des Beatles. L'album marque un retour à des techniques moins expérimentales, Paul ayant à cette époque envie de se faire plaisir. Il fait appel en outre à son épouse Linda, à plusieurs de ses anciens collaborateurs dont Ringo Starr et George Martin, mais aussi au guitariste Steve Miller et au musicien producteur Jeff Lynne. Le succès de l'album est total, la critique l'apprécie particulièrement et il est souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'artiste. Sur le plan commercial, en dépit d'une promotion minime, il se classe en deuxième position au Royaume-Uni et fait de même aux États-Unis où McCartney n'était pas entré dans le top 10 depuis Tug of War en 1982. Il atteint également la première place dans plusieurs autres pays. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album. Et on retourne en arrière en 1975 avec Extra Texture, Read All About It. C'est George Harrison et Tide of Midnight Blue. Sur RG, deux fois George Harrison à suivre.

Et on va arrêter là la basse-cour. C'était extrait bien entendu de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flamin' Pie. D'où vient Flamin' Pie? Eh bien, ça vient à l'origine d'une plaisanterie de John Lennon, qui n'était pas avare de ça, surtout au début des Beatles, avec quand on leur disait, mais d'où vient le nom Beatles, B-E-A-T-L-E-S? Ça ne veut rien dire. Ben si, si. Lui, il a dit, un jour, quelqu'un est venu sur une tourte enflammée, je crois que c'est une tourte en français, une tarte si vous voulez, comme vous voulez, et il a dit vous serez les Beatles avec un A, parce que Beatles c'est scarabée, mais Beatles B-E-A-T, ça fait penser au rythme en anglais, c'est un néologisme, donc un nom qui n'existe pas. Au début c'était Silver Beatles parce que ça faisait bien, et puis finalement ils ont décidé que ce serait Beatles tout court, et Paul McCartney a voulu donner un petit clin d'œil à son ami John Lennon en 1997 en faisant cet album et cette chanson Flamin' Pie sur RG. Voici venir George Harrison en 1979 avec une chanson que je vais dédier à Alexandra, si vous le permettez. Your Love Is Forever. C'est une des plus belles chansons de George Harrison post-Beatles. Ah, c'est la cover, j'ai même pas fait gaffe. Bah, c'est la cover, c'est pas grave. On écoutera une autre fois la chanson de George Harrison, elle est bien aussi comme ça. devais trop penser à la personne à qui je voulais dédier cette chanson-là. C'était ça n'était pas George Harrison, vous l'avez reconnu. C'était la cover de Astrid et Stanley Samuelson, Your Love is Forever, et ça date de 2013 sur un album qui s'appelle A Tribute to George Harrison, tout simplement. Vous pouvez m'aider sur Facebook pour la traduction parce que Soft Touch, je l'ai écrite lorsque j'étais aux Îles Vierges. La chanson m'est venue parce que je jouais Run of the Mill, donc une chanson des années 70, de l'année 70. Et à la fin de ce morceau-là, il y a a horn line. Horn, c'est un klaxon en principe, mais je vois pas le rapport. C'est pas un instrument avant, horn. Et donc j'étais en train de jouer cette mélodie à la guitare et c'est devenu Soft Touch. Elle est très simple et les paroles reflètent tout ce qui se passait dans ces îles, le vent, le côté de la brise qui souffle doucement, les palmiers et la nouvelle lune qui s'élève. Voilà ce que George Harrison disait lui-même dans le livre I, Me, Mine, sorti au début des années 80. Ça, c'est Ringo Starr en 1974. Ouh, oui, c'est le titre du morceau. Ever since I met you, baby, I've been acting kind of strange. I wake up in the morning, then without a warning, all I do is scream your name. Look inside me, I see the man that I've become. You make me wanna holler and jump right out my collar. You got me on the run. Ooh, ooh, wee, baby. Ooh, ooh, wee, baby. Friends don't recognize me, they say you hypnotize me. Ooh, what you done to me, baby? Just like the new Jean Harlow, sultry lips and long blonde hair. They say she came from Hades, or was it the Euphrates that brought my lady here? Ooh, ooh, wee, baby. Ooh, ooh, wee, baby. Friends don't understand me, they say you underhand me. Ooh, what you done to me? Out of my senses. Ooh, ooh, ooh, we

just gonna have to let you go. There's two bases in this, and I hope you appreciate it. Just Dr. Winslow Boogie, saying goodnight from Red Atlantis, New York. We hope you had a swell time. Everybody here says hi. Goodbye. Fin de la chanson, il dit il y a deux basses dans cette chanson, j'espère que ça vous plaît. Vous avez le salut de Dr. Winston O'Boogie, c'est-à-dire lui, John Lennon, et puis tout le monde dit au revoir, et puis salut. C'est plutôt sympa. Voici une chanson écrite par George Harrison, et reprenante parce que c'est pas son style, mais c'est Ringo qui la chante. I'll Still Love You, en 1976, sur l'album Rotogravure, Ringo Starr. Cette saga vous proposer une chanson que je ne passe jamais parce que là tout à l'heure à propos de Good Morning vous avez dit ce n'est pas la meilleure de Sgt Pepper et c'est vrai, et bien celle que je vais vous proposer, The Continuing Story of Bungalow Bill, ça n'est pas la meilleure de l'album blanc. Par contre la chanson qui suit est énorme et on va passer les deux l'une à la suite de l'autre si vous connaissez. Bill, Bungalow Bill. He went out

d'accélérer parce que dans quelques minutes, il va y avoir Johnny de A à Z avec l'infernal, l'extraordinaire, le fantastique, le sublime, le Mister Fantastique, on l'appelle à la radio. Eric, dans quelques minutes. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine, Souvenir, Paul McCartney sur RG. Shedding too many tears, and your memory seemed like just so many souvenirs. Want me? she's so. Et c'est ainsi que s'achève déjà cette édition de la saga des Fab Four. La semaine prochaine, nous vivrons d'autres aventures avec un 100% quelqu'un. À très bientôt, je vous laisse avec Eric, ce sera très très bien. Salut, bisous aux filles, bon évidemment aux garçons. Ciao.